Frédéric, saisissant l'occasion de se faire valoir, dit qu'il le connaissait. Mais Pellerin se lança dans une catilinaire contre les épiciers. Vendeurs de chandelles ou d'argent, il n'y voyait pas de différence. Puis, Rosenval et Burieux devisèrent porcelaine. Arnoux causa jardinage avec Madame Audry. Sans base, loustique de la vieille école, s'amusait à blaguer son époux. Il l'appelait Audry, comme l'acteur, déclara qu'il devait descendre d'Audry, le peintre des chiens, car la boîte des animaux était visible sur son front. Il voulut même lui tâter le crâne. L'autre s'en défendit à cause de sa perruque. Et le dessert finit avec des éclats de rire. Quand on eut pris le café sous les tilleuls, en fumant, et fait plusieurs tours dans le jardin, on alla se promener le long de la rivière. La compagnie s'arrêta devant un pêcheur qui nettoyait des anguilles dans une boutique à poissons. Mademoiselle Marthe voulut les voir. Il vida sa boîte sur l'herbe. Et la petite fille se jetait à genoux pour les rattraper, riait de plaisir, criait d'effroi. Toutes furent perdues. Arnaud les paya. Il eut ensuite l'idée de faire une promenade en canot. Un côté de l'horizon commençait à pâlir, tandis que de l'autre, une large couleur orange s'étalait dans le ciel et était plus empourprée au faîte des collines, devenue complètement noire. Madame Arnoux se tenait assise sur une grosse pierre, ayant cette lueur d'incendie derrière elle. Les autres personnes flânaient, çà et là. Hussonné, au bas de la berge, faisait des ricochets sur l'eau. Arnoux revint, suivi par une vieille chaloupe, où, malgré les représentations les plus sages, il empila ses convives. Elle sombrait. Il fallut débarquer.